ahora hay más homosexuales, entonces la gente ya no se asusta. Al comienzo fue duro porque la gente te miraban como un animal raro, como cualquier cosa rara. Vous venez d'entendre mon ami Miguel, un homosexuel qui vit à Estélie, un homme qui croit aussi qu'en affichant publiquement son homosexualité, il pourra changer peu à peu les mentalités de sa société. Et ça même s'il doit subir de grands moments d'humiliation. Je vous apprendrai rien si je vous dis que le Nicaragua est un pays homophobe. L'homme macho y est roi et l'Église catholique en est sa reine. Les homosexuels ici, comme vous l'avez entendu de la bouche de Miguel, sont traités comme des vermines. Et j'ai été témoin de cela cette fin de semaine. J'étais malheureusement assise en première loge. Mais avant de vous raconter cette soirée ignoble, il faut que je vous raconte l'histoire de Miguel. Il est âgé de 27 ans. Il vient de Granada, une ville coloniale la plus touristique au pays. Une ville qui, par le fait même, est un peu plus ouverte aux gays. Il a découvert son homosexualité à l'âge de 7 ans, a eu sa première relation sexuelle homosexuelle à 14 ans, et à l'âge de 16 ans, il a été renié par sa famille et jeté à la porte de la maison familiale. Il est allé vivre chez des amis, des homosexuels comme lui. Pour gagner quelques dollars, il a fait comme ses camarades. Il se prostituait. Il a vendu son corps seulement à 3 reprises, m'a-t-il dit. Mais bon, j'ai eu peine à le croire. Mais il me disait qu'il n'aimait pas ça. Contrairement à ses amis, le mythe de la prostituée heureuse version gay. Miguel est un grand romantique. Il veut rencontrer un homme. Un homosexuel comme lui et vivre le grand amour. Pourquoi je dis homosexuel comme lui, c'est qu'ici on fait la distinction entre des hommes qui se font pénétrer et d'autres pas. Ceux qui ne s'adonnent pas à la pénétration anale ne sont pas vraiment gays, ils sont des machos en public et couchent avec des femmes. Mais parfois, une fellation par un homme ou un travelot, ça soulage. Miguel ne veut pas être avec ce genre de mec, me dit-il, parce qu'il veut un homme avec qui il partage les mêmes valeurs. Miguel veut aussi quitter le Nicaragua, un jour pour vivre cette vie à laquelle ont droit de nombreux homosexuels en Occident, une vie de liberté. Quand je lui ai parlé de mariage de même sexe au Canada, il a fait les yeux, là, des yeux rêveurs. Mais pour l'instant, Miguel n'a pas les moyens de faire le grand voyage, de faire comme bien des Nicaraguayens, passer la frontière mexicaine à ses risques et périls pour s'établir aux États-Unis illégalement. Il doit renflouer son portefeuille. Et pour ce faire, il travaille, devinez, comme coiffeur. Presque cliché. Mais il me dit qu'il n'a pas vraiment d'autres opportunités d'emploi. La majorité des gays au Nicaragua sont soit cuisiniers, plongeurs, serveurs, coiffeurs ou filles de joie. Miguel a trouvé refuge chez Arline, mon maître coiffeur d'Estélie, un autre homosexuel qui a son propre salon. Depuis 14 ans, Arline bâtit sa clientèle et aide d'autres homosexuels à bien manier le séchoir et donner un bon coup de ciseau. Miguel vit chez Arline, un appartement en annexe du salon. C'est pratique. En apprenant à bien colorer les cheveux, il économise sur le loyer. Et pour se divertir, sachez qu'il y a très peu à faire à Estélie pour les hétérosexuels, encore moins pour les homosexuels efféminés qui doivent faire face au regard désobligeant. Donc, je disais que pour se divertir, Arline et Miguel se transforment en femmes, drag queen à leurs heures. C'est une façon de célébrer leur homosexualité. J'ai assisté à leur transformation la semaine dernière et les deux se réjouissaient comme des petits-enfants à Noël. Et je dois dire que c'est incroyable de voir deux hommes de 6 pieds devenir femmes fatales. Ils ont vraiment maîtrisé l'art là, du maquillage et du bourrage de soutien-gorge. Et pour votre information, ils utilisent des chaussettes pour faire un sein là, bien galbé. Arline a en fait été couronnée Miss Gay Estélie 2004, un concours de beauté pour travestis. Miss Gay est un événement qui n'a plus lieu à Estélie depuis la victoire de Arline à cause des évangélistes. Il m'a raconté que les religieux s'étaient opposés à l'événement et avaient même manifesté devant le centre récréatif. Les participants se sont fait huer à leur entrée et à leur sortie de l'édifice. Ceci dit, 3 ans plus tard, l'attitude des gens à Estélie a très peu changé. J'arrive donc à la fameuse soirée où j'ai assisté à des pires bassesses humaines. C'était samedi soir. le bar Micha organisait une soirée d'Halloween. Les clients déguisés rentraient gratuitement et couraient la chance de gagner le prix du meilleur costume, 1000 cordobas ou 55$. C'est pas rien ça pour le Nicaraguayen moyen. J'ai donc décidé d'inviter Arlene et Miguel. Je me suis dit, quelle belle occasion pour eux de mettre leur plus belle robe de soirée. De changer de peau, comme tout le monde le ferait ce soir-là. Les gens ne les jugeraient pas. Erreur. Arlene était déguisée en princesse de carnaval, vêtue d'une superbe jupe longue, rouge satinée avec un bustier noir. Tout le costume fait à la main. Son visage paré d'un masque à plumes flamboyantes. Miguel, lui, avait opté pour le Playboy Bunny. À leur entrée dans le bar, mes deux amis ont été applaudis. Ils ont même eu droit à des sifflements d'hommes un peu réchauffés par l'alcool. La faune était belle, des fées à la Lord of the Rings, des gitans, et tous les classiques y étaient, zombies, vampires, sorcières. Le temps du concours pour le meilleur costume arrive et Miguel décide d'y participer. Peut-être que la foule accueillante l'a convaincu de faire le saut sur la scène. Tout allait très bien, les quatre participants avaient droit à des applaudissements généreux. À ma grande surprise, Miguel se rend à la grande finale. Le Playboy Bunny, dans le coin droit, affronte la fameuse bonne de ménage sexy. Un déhanchement sensuel n'attend pas l'autre, la queue du rongeur se fait aller, le plumeau chatouille l'entrejambe. Bref, la foule est en délire. Mais, revirement total. Des hommes se mettent à huer lorsque c'est au tour de Miguel à danser. Les cris se font de plus en plus entendre. « Feo! Afuera! » Ça veut dire « c'est laid! » »« Va-t'en de là! » Avant que ça dégénère, la bonne sexy est déclarée gagnante. Miguel se rue vers moi et me dit « Tu vois, les gens ici ne sont pas prêts à nous accepter. » Beaucoup de mes amis étrangers sont venus me voir pour me dire comment ils avaient trouvé ça terrible. Moi, je suis revenue à la maison à pied, dégoûtée, avec un sentiment de culpabilité. J'avais l'impression d'avoir piégé mes amis. Le lundi suivant, j'ai retrouvé Miguel au salon pour lui remettre mon costume. Pour les intéresser, j'étais déguisée en Victoria Beckham. On s'est rendu au centre récréatif pour louer la salle, parce que Miguel et Arlene organisent le retour de Miss Gay à Estélie, après 3 ans d'absence. Malgré les événements de samedi, Miguel avait encore l'envie et le courage d'organiser le tout. Il m'a dit « c'est en s'affichant qu'on va se faire accepter ». Et il ne faut surtout pas oublier que les homosexuels font aussi partie du futur du Nicaragua.